étendue de haine, lorsque tout s'éteint d'un coup d'un seul, au moment le moins propice pour soi-même, là où l'on commence enfin à se dire que l'amour embellit sûrement la vie d'un dixième. Ce n'est point faux, mais s'il est inconnu, si l'espérance trône là, mais que jamais l'on aime, tout cela ne reste en vain qu'un poème est perdu. La vie est une mare de peur, quand les froids soudainement remplacent le néant, que l'on a à jamais un véritable nœud au cœur, et que la solitude coule à flot dans notre sang. On pense inlassablement à ce fameux suicide qui a conduit tant et tant de frères au paradis, tandis que nous restons ça et là dans cet enfer morbide qu'est la terre, là où crèche d'infinie mélancolie. La vie est un lac de regrets lorsqu'elle consiste sottement à faire régner la nostalgie. Quand le remords a pris le pas, et le passé nous hante chaque jour, et ce, je crois, pour...